Lieutenant Eben. Oui, colonel. Point de longitude et latitude du point de ralliement. 34 nord, 180 degrés ouest. Ok, allons-y. Ralliement a été atteint. MS à opération de sauvetage. Opération de sauvetage, on reçoit 5 sur 5 MS, vous êtes où? On est au point de ralliement. Ne vous inquiétez pas les gars, on est là, regardez à 6h, on vous voit là. Ouais, une compile tranchante qui doit d'atteindre le sommet. MS. Lucas assure notre front s'est employé à donner le meilleur de nous-mêmes. Je dédicace à tous ces artistes qui ont accepté notre invitation sans hésiter. Fier un pied de nez à toutes les compiles qui se bradent. Donner l'authenticité pour chaque foyer. Je dédicace à tous mes potes qui me connaissent et qui savent. À toutes les familles du monde et à la mienne. Ma mère, mon frère, mon père, ma femme, Ayman et Angèle Mitrac. À tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter la compile, car fauchés par la mort, je dédicace à Ibrahima, Lady B, Paul, Pastille et aux vôtres. À tous ceux qui, enfermés pour X raisons, je dédicace ce disque. À Dottie MC et Moussa. Et à tous ceux qui sont enfermés dans chaque prison de France. De la 13e à la 19e lettre, suicidaire est notre action, je remercie les labels qui ont participé. Tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les DJ et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette aventure. Eben, un mec du 9-4, associé à la Kilomètre Production, ça donne des potes à vie et une putain de compilation. MS. MS. Parlons-en. Alors je voudrais dédicacer ceux qui ont fait que Mission Suicide existe, à tous les old school qui persistent, aux vinyliques résistants, à toutes nos familles, ça c'est le plus important, à Couturier, à Reggie, à Mitrac, à Bondé, à Ndiaye, à Bonnefoy, à Pertois, à Casalis, à tous les gens qui ont fait que notre Mission Suicide existe. Je voudrais dédicacer à mes tontons. Bro et Jamel, je pense à vous. Tonton Zouz, elle est pour toi celle-là. À mes deux associés et Ben Masta. Sans vous rien n'aurait été possible. Dédicace à Mary et sa vidéotape à 5 millions de francs. Putain, la vie est belle pour vous. Ouais, dédicace aux traîtres. Dédicace aux boules de ta pute et ton putain de merco, ouais frérot. Ça me fait bien rigoler. Dédicace à Kima et son bâtiment B. A Igu, à G-Kill, DOC, Zai, Joe. Ouais, tous les frérots que j'ai oubliés. Mais je pense à vous quand même. Ouais, je pense à vous quand même. Et en particulier à cet état français qui nous baise au plus profond tous les jours. On sera plus fort que ça. Dédicace au hip-hop. Car aujourd'hui mon cœur se froisse. Voiler ses pensées, limiter ses propos. Travestir pour des radios et l'opposé de la mission suicide. Longue vie au vrai hip-hop. De Fa, MS, MS. MS, MS. Dédicace. Ah mon gros. Donc premièrement, alors j'en place une pour ce que j'ai de plus cher au monde. Mon fils Maël Couturier. Ton avenir est le mien. Et je le construis aujourd'hui pour que demain tu ne manques jamais de rien. Ouais, dédicace à ma mère. Pour tout ce que je t'ai fait endurer pendant toute ma jeunesse. Ça y est, les conneries, c'est bel et bien fini. Je t'aime de tout mon cœur. Dédicace à mon père. Pour le sale caractère que tu m'as donné et ton expérience de mauvais garçon à l'ancienne. À la famille Carole, merci pour votre éducation durant mes plus jeunes années. Ok, maintenant j'en place une et celle-là elle vient du cœur. À mon pote de toujours, mon associé, mon frère. De Fa mon gros, personne pourra jamais nous séparer, c'est pour la vie maintenant. Ouais, dédicace à mon poteau d'enfance et le parrain de mon gosse. Si un jour je pars, faudra que tu sois là mon ami, hein Stéphane. Jani, ouais. Aïe Ben, mon frère de son. Ça y est, mon gros. T'as tout mon respect. MS pour toujours. De balles de nègre, ouais. Aux mecs qui ont forgé mon caractère et m'ont endurci depuis l'époque. Tony Go, les PSP, les Black Dragons. Marc Gilas, repose en paix, mon ami. Mon poteau, Tizai, Douma, Kikim. C'est grâce à toi en partie ce disque, tu sais. Ambre, Kikim, Jimmy. George, Luke, Sonka et Beat. Le staff première classe, ça va être la guerre les gars. Ouais, Sniper, Nadou pour ta spontanéité et ta gentillesse. Wen, Luc, Jean, Tandem, gardez la tête au bon endroit les gars. Les petits les Teddy pour le staff effectué. En conclusion, un gros respect aux gens qui ont répondu à l'appel de mission suicide. Et les autres, tant pis pour vous. De toute manière, hein, c'est jamais vous qui m'avez fait manger. Ni le rap d'ailleurs. Le rap, il a jamais fait manger ma famille au jour d'aujourd'hui. En espérant quand même que ce projet, ça change ça. Sinon, tant pis. À tous les mecs qui tiennent la rue intelligemment, faites bien vos affaires. Faites gaffe à vous, les gars. Maintenant, à tous les mecs auxquels on a enlevé la liberté de mouvement, c'est pas ce qu'on a de plus cher au monde. Un Landry, Kizo, Brito. Elle est pour vous celle-là. Et pour finir, un message. Mission suicide, ça a été fait avec le cœur. Les tripes, la foi et la sincérité. Y'a pas de faux semblants chez nous. Y'a pas de bluff chez nous. Ok. La sincérité, de l'amour et du respect. C'est comme ça que ça marche la vie.